de merde, monde de merde. Ah oui, monde de merde. Another time. Monde de merde, monde de merde, monde de merde. Monde de merde, monde de merde. Ah oui, monde de merde. A creature from another world. Another time. Quand 1h30, vous êtes sur Radio Contrabanda. Vous êtes prêts les gars? Un deux. Ouais. Vous êtes prêts, tranquille? On y va. Attends, dans deux petites secondes, juste le temps à notre musicien de surfer un peu les doigts. Allez, cette fois-ci, on y va tous les trois. Sylvain, Felipe et Lorenzo. Jingle, pour favor. Radio Contrabanda te presenta El Consul de Bretaña y el Duende de las Ondas, ¡vámonos! Para todos los gabachos, un programa solo para vosotros. Es la gente de la calle, somos los locos del barrio, ¡hombre! Radio Contrabanda te presenta Radio Chango Sistema. Radio Contrabanda presenta Los Gabachos de las Ondas. Radio Contrabanda te presenta. No, ahora, venga, venga. Somos aquí, no? Putain, showtime, mon frère, ça enchaîne. Ah bah ça enchaîne, tu parles. Tu parles 21h30 et comme on n'avait pas de jingle, on s'était dit qu'on allait les faire nous-mêmes puisqu'on n'a même pas pris le temps d'enregistrer tout ça et puis on prend même pas le temps de travailler cette émission, c'est pas bien sérieux. Toujours est-il que quoi qu'il se passe, nous on est là à 21h30 comme tous les lundis pour votre programme français Los Gabachos Bandas. On est là tranquillement et c'est Philippe qui va exceptionnellement interpréter ces jingles, donc ils sont faits manuellement et de façon complètement inattendue. Spontanée. Et de façon spontanée, c'est exactement le cas puisque figurez-vous qu'on n'a rien préparé, qu'on est là en improvisation. Tout ce qu'on va faire et tout, écoute, tout ce qui va être fait pendant cette émission va être improvisé. Sacré Laurent, bah moi je tiens à te dire parce que bah écoute, c'est le live, hein, le direct, vive l'improvisation, autant à la musique qu'à l'antenne. Donc bah on va commencer tout tranquillement l'émission. Bon, on va présenter d'autres personnes qui déboulent. Ah bah écoutez, on est nombreux dans ce studio. Un petit bonjour quand même à Antonio qui nous a fait réaliser cette émission aussi. Exactement. Tenemos que hablar español un poquito porque el señor. El señor de la radio. El duque Antonio de aquí, porque. No, de duque nada. De él duque es la, nada. La mascota. La mascota el de rey. La contrabanda. El rey, dueño. No. Mascota me gusta más. Mascota, me gusta. Mascota, más. Te gusta más. Mascota, sí. Mascota de contrabanda está aquí en el estudio. Está bien. Es un placer. Empezamos con una buena sorpresa. Así. Gracias. Es la primera vez. Gracias. Sí, la primera. Y además, bueno, como vi que venía la gente de Radio Changó y todo aquello, pues mira. Ah, ok. Tranquilo. Tranquilo. Bienvenido aquí. Radio con radio. Radio contra la radio, está aquí, ¿no? Una radio en una radio, está bien, ¿no? Me gusta mucho. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hay Pedro también. Encantado, Pedro. ¿Cómo está? Y bienvenido aquí, ¿eh? Cuando queréis. Ok, bienvenido. Ok, tranquilo. Las puertas están abiertas. Nous, on s'est décidé à faire des jingles en live tranquillement tous les trois aujourd'hui dans cette émission et on va vous donner juste un petit aperçu de ce que ça va donner. Jingle. Radio Contrabanda. Caras las lunes y solo una vez. Radio Contrabanda. Mariachi Production, cuidado, atención. Radio Contrabanda. Del Plaza de Tripi hasta la fuera de París. Radio Contrabanda. No, ahora somos aquí. Venga, venga, tranquilo. C'est comme ça que ça va se passer maintenant ici dans cette émission. Et ça, si, que c'est pas ça. Parce que nous travaillons pas suffisamment cette émission et l'habillage n'existait pas, donc on s'est dit qu'on allait la créer nous-mêmes et c'est comme ça que ça va se passer maintenant le lundi à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h avec votre programme exceptionnellement français. Voilà, sur Radio Contrabanda. Mais je tiens à te le dire, Laurent, qu'Antonio et Pedro, c'est bien ça? Oui, ils sont assis à côté de nous, c'est cool. Hein, mais c'est... Ouais, non, ici, il n'y a jamais d'incrus. Ce que je te propose, c'est de prendre carrément un micro. Ah ouais? De leur bon micro. Et quand vous voulez, on va parler avec eux, c'est clair. Cuando queréis. Somos espectadores de lujo aquí en primera fila. Ok, tranquilo. ¿Y tú, Antonio, hablas francés? Un petit peu. Ah, ouais, sí, programa sí, francés. Attends, Antonio, il nous l'a bien fait, ça. Non, il s'en sort très bien. ¿Cómo lleva en español, no? La presse du puits. como yo en español, la gente que me pregunta, ¿hablas español? Y dice, un poquito, solo un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. Voilà, on va parler de beaucoup de choses durant cette émission, et notamment pendant ces 25 premières minutes, puisqu'à partir de 22h, comme tous les lundis, et traditionnellement, nous recevons un groupe ici en live pour un petit bœuf, tranquillement, tous ensemble. Aujourd'hui, ça va être un petit peu exceptionnel, puisque nous allons recevoir les deux membres de Radio Chango, que tu connais très bien, puisque toi, ça fait quand même un peu plus longtemps que tu es ici. Ouais, très bien, non, ça dépend. Si, avec Laurent, on s'était rencontrés, c'était pour la tournée de Chisudaka, les dernières. Donc, on avait représenté Radio Chango sur un stand durant toute la semaine de concert. Et c'est par cet intermédiaire-là que j'ai pu le connaître. Donc, Laurent, on lui demandera, mais je pense qu'il est à l'origine du projet. Justement, c'est ce qui va être intéressant, c'est de les entendre nous raconter un petit peu l'histoire de Radio Chango, puisque ça fait beaucoup parler ils font beaucoup parler d'eux depuis maintenant 5 ans, puisqu'on fête leur 5e anniversaire. Et ça va être un privilège aussi pour nous de les recevoir ici, puis vous, derrière votre poste de radio, de savoir un petit peu de quoi il s'agit, l'histoire, et puis nous dire un petit peu le concept, l'intérêt de ce site Radio Chango, qui fait beaucoup parler de lui. Donc, exceptionnellement, ici sur Radio Contrabanda, ça se passera donc à partir de 22h avec eux. Ce sera Laurent et le deuxième. Vince. Voilà, Vince. Okay, voilà. Qui doivent certainement nous écouter pour savoir un petit peu où ils vont mettre les pieds tout à l'heure. Ils doivent se dire, attends, on va peut-être écouter d'abord ce qui se passe là-bas, et après, on voit si oui ou non, on débarque dans les studios. Voilà, l'ambiance est chaleureuse, voilà. Les amis. Hein. Vous êtes les bienvenus, quoi qu'il se passe. 22h, donc à partir de 22h, donc d'ici 25 petites minutes avec Radio Chango. Et puis nous, en attendant, on va parler un petit peu d'actu. On va parler de plein de choses, puisqu'il se passe des choses aussi bien en France qu'ici en Espagne. Il s'est passé plein de choses, hein, cher Laurent. Alors, toi, tu commences par quoi? Puisque la semaine dernière, on a parlé du CPE et du bordel que ça pouvait foutre à Paris en ce moment, et puis en France. Il s'est passé quasiment la même chose, mais cette fois-ci, c'est pas un projet de loi. C'est carrément des lois qui ont été votées, qui emmerdent beaucoup les Catalans et les Espagnols, en règle générale. Ça s'appelle la macro-botellia, c'est ça? La macro-botellion. Voilà, il faut parler du botellion. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones qui ont pu voyager en Espagne ces dernières années. Il y a surtout une dizaine d'années, c'était très fréquent, c'était vraiment à la mode. C'est-à-dire les gens qui se rassemblent sur la place du centre-ville pour faire la fête et donc acheter leur alcool tranquille, dehors, bonne ambiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quelques années que c'est fini, hein, c'est arrêté. Répression policière, une fois de plus, donc beaucoup de détails. Et en fait, ça a été lancé. Apparemment, c'est les facs dans le sud de l'Espagne qui ont lancé le truc, Laurent, tu confirmes? Ouais, alors c'est ça, c'est qu'en fait, la manifestation donc a été lancée cette année sur Internet et par le biais des SMS. Donc c'est comme ça que c'est l'effet boule de neige de bouche à oreille. Les gens ont communiqué l'info et donc ça a rassemblé des milliers de jeunes, ça on le sait, dans une vingtaine de pays d'Espagne qui ont manifesté vendredi soir. Et notamment 25 000 à Grenade, et c'est parti de Grenade dans le sud, effectivement, où a été aussi fêté, bien entendu, la même teuf. Voilà. Alors, donc on voulait en venir, cher Laurent, justement, par rapport aux événements de France. Mon très cher Laurent. Le respect qu'il y a entre nous, c'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Hein. Non, c'est pour dire que le rapprochement, c'est que ça a fighté sérieusement. Barcelone a été. Comment expliquer? Ça a bien fighté. Prise d'assaut, dirons-nous. Prise d'assaut, ouais. Ouais, et puis c'est très simple, c'est qu'à partir du moment. Elle était retournée, quoi. La ville était retournée. À partir du moment où. Et je pense que ça a été aussi le cas d'ailleurs dans le reste de l'Espagne, puisque Barcelone n'a pas été la seule à avoir aussi des problèmes avec les forces de l'ordre. Toujours est-il que ça a pris beaucoup plus d'ampleur ici. Je crois que les jeunes aussi qui s'attendaient à venir dans la rue pour fêter tranquillement leur beuverie traditionnelle, s'attendaient forcément à avoir des CRS et s'attendaient à avoir une confrontation avec eux. Donc après, effectivement, il y a eu aussi des dégradations, des dérapages, et puis il y a forcément après des excès aussi bien du côté police, des forces policières que du côté des manifestants. Tu voulais dire, Philippe? Que les policiers étaient déjà là quand même avant que les gens arrivent, quoi. Ils avaient bloqué les remblais des ramales pour empêcher les gens de venir dessus. Et donc il y avait un petit groupe qui s'est mis sur le haut des remblais des ravales, après un petit groupe qui était sur le bas, du bas, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont commencé à remonter les remblais des ravales. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était notre envoyé spécial également, c'est bien ça, puisque nous on était nos propres envoyés spéciaux. C'était assez intéressant, quoi. Effectivement, il y avait même pas 500 personnes sur la Rambla del Raval, Et donc quoi des CRS moi, qui n'étaient pas armés. Moi ce qui m'a surpris, c'est que vu qu'on était vraiment au début de la manifestation, il y a effectivement les CRS qui sont présents, mais ça c'est, je dirais que c'est un petit peu obligatoire. Après il faut savoir que les CRS au début n'avaient ni bouclier ni matraque, ouais. Qui sont descendus en haut de la Rambla del Raval pour dire aux gens maintenant il faut arrêter, on dégage. Alors effectivement, bon, après moi je défends pas la façon dont la police et les CRS peuvent agir, parce que quand j'ai vu, il y a un truc qu'il faudra m'expliquer, c'est à moins qu'ils prennent un pied terrible ou un plaisir immense à frapper un mec quand ils sont 10 à le faire, qu'on reçoive ici dans cette émission un CRS qui vienne nous expliquer la logique CRS, parce que moi il y a un truc qui me dépasse, c'est quand je vois 10 mecs qui sont avec des bâtons qui pèsent 12 kilos et qui fracassent un mec qui est par terre, juste pour lui dire il faut que tu sortes. Ouais. Bon, on a vu des scènes, c'est vrai. Moi je suis désolé. Les potes qui se sont fait, qui sont pris des grands coups. Hein. Que ça soit pendant la manifestation de vendredi ou dans les autres manifestations. Ouais. Je parle aussi bien de ce qui se passe aussi à Paris, hein, parce qu'il y a des dérapages avec les forces de police qui sont assez extrêmes dans le genre et lamentables. Excuse-moi, mais moi j'ai vu la façon dont certains mecs pouvaient tabasser des manifestants vendredi soir. Qui voulaient juste passer d'une rue à l'autre et pas forcément leur jeter des canettes. Ils sont quatre à taper sur quelqu'un. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Mais bon, vraiment, c'est un autre, tout autre débat. Voilà. Ça mérite beaucoup plus de. C'est vrai que la manif s'est étendue. On était même surpris parce qu'on est, enfin, de notre côté, par exemple, on est parti boire deux tasses dans deux bars différents. On est revenu 3 heures après. Non, mais un truc de fou, quoi. C'est vrai que c'est arrivé jusqu'à la Calle Ferran. Ça s'est étendu en haut de la Rambla del Raval. La Rambla, c'était à plus d'un kilomètre à la ronde. Et ça a duré, c'est bizarre parce que les gens étaient très pacifiques pourtant. Enfin, impressionnant. Enfin, on débattra pas longtemps. Non mais c'est vrai. Donc c'est ça. Là-dessus, mais effectivement, ils savaient qu'il y aurait une confrontation. Alors, c'est pour ça qu'on faisait un parallèle un petit peu avec nous, ce qu'on a vu vendredi soir dans les rues de Barcelone, avec les CRS qui se sont pas privés pour charger, et puis qui ont pris peut-être un malin plaisir à le faire. Toujours est-il que c'est le même cas à Paris, c'est le même cas dans certaines villes de France, puisqu'en ce moment, on en a parlé brièvement la semaine dernière. Vous êtes au courant du CPE, c'est contrat première embauche, qui a été voté par Monsieur Villepin, donc notre Premier ministre, s'il vous plaît. Voilà. Et qui fout vraiment le bordel pour différentes raisons. Tu connais le concept même du CPE, Sylvain? Pas vraiment. En gros, ce qui se passe? Pas vraiment. En fait, enfin moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait beaucoup de désavantages. Voilà, encore plus de précarité, tout ça. Encore plus de précarité, et c'est censé, si tu veux, affaiblir, si tu veux, la croissance de la précarité. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que, effectivement, les entreprises flippent d'engager des jeunes, parce qu'ils savent très bien que s'ils les engagent, c'est pour une longue durée, ça leur fait peur. Donc, résultat, ils n'embauchent pas. Résultat, le chômage des jeunes de moins de 26 ans augmente. Il fallait trouver donc une solution, et il a trouvé donc ce contrat première embauche qui propose aux entreprises d'embaucher, si tu veux, des jeunes et de les virer pendant 2 ans quand ils veulent pour aucun motif. C'est-à-dire que tu peux te faire embaucher et puis au bout de 1 an et 8 mois, ils vont te dire bon maintenant tu dégages, et tu vas dire bah pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont te dire bah non, t'as rien fait, mais c'est le contrat qui nous permet de te virer quand on veut. Donc là effectivement il y a une logique qui va pas. T'as l'air d'être confronté à ça, on sent ouais. Dans toi, Laurent, une certaine recherche, enfin ça vient vraiment du fond du cœur. Non, je parle on de... a l'impression que tu vis la même situation, enfin bon, petite parenthèse. En même temps, c'est oui, vrai que vu, la ouais. précarité en Espagne, il faut le souligner, c'est un peu le non, on n'est pas en Espagne, c'est... oui enfin en Espagne effectivement, mais il s'agit d'un cas donc qui se passe en France, c'est notre pays, on parle français, donc on va parler un petit peu de l'actualité en France, puisque c'est ce qui fait en ce moment la une des journaux. Et donc forcément, les étudiants se sont tous rassemblés pour contrer cette loi. Et donc il va y avoir une loi, ça va être le 28 mars prochain, il va y avoir une grève générale en France, donc sachez-le, au cas où. Mm-hmm. Hein. Il n'y avait pas un ultimatum, c'est ça, jusqu'aujourd'hui, Laurent? C'était aujourd'hui. Ouais, c'est possible. Les syndicats qui demandaient à M. de Villepin de retirer tout simplement la... Enfin, le projet de loi. Voilà, alors certains voulaient le modifier, d'autres voulaient le retirer, d'autres voulaient plus entendre parler, d'autres voulaient l'appliquer, forcément. Hein. Et donc, l'extrême gauche met des coups de pression maintenant pour essayer de ralentir tout ça. Est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le CPE a bien lieu, donc c'est une loi qui a été votée, et que l'ensemble des syndicats donc, appellent le service public et privé à faire la grève. Ça sera le 28 mars prochain pour obtenir donc, le retrait du contrat première embauche, le CPE. Donc on verra, on vous donnera plus d'infos le 28 mars. Apparemment, il y a du monde, hein, Laurent. C'est pas ça, des grandes manifestations géantes, 400 000 personnes. Ah, personne. Ah, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, tout le monde est dans la rue, hein. Enfin, faut voir. C'est bizarre. C'est mais bizarre aussi bien à Paris que dans les autres villes de France, hein. C'est pas forcément qu'à Paris que les étudiants se sont rebellés. Ça se passe vraiment en France et en ce moment, c'est vraiment le sujet d'actualité. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui avaient peut-être pas forcément capté l'intérêt du CPE, des contrats première embauche, tel est ton cas, Majesté Sylvain. Majesté. Ah ouais, bah ouais consul. Ah ouais, consul. Je sais pas. Non, apparemment, dans le jingle, il y a. Elle consul de la Bretagne. Bon, s'il y a des potes bretons qui écoutent, petite dédicace. Je sais pas, sur internet, hein. Effectivement, Laurent, rappelle-nous le lien. Ah bah oui. Oui, parce que vous savez que vous pouvez intervenir dans cette émission quand vous le souhaitez, bien entendu. Je prends ma voix de journaliste d'investigation. Ah ouais, d'accord. Madame, monsieur, bonsoir. Donc vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez dans cette émission par le biais du net, à savoir une adresse mail qui vous permet d'intervenir. Gabacho Osbanda. Écoute, moi je te posais la question, tu me renvoies la question. Je te remercie, Laurent. Je vais la dire. C'est ouais. Ça. Gabacho Osbanda. Voilà. @hotmail. .com. Mais effectivement, mais pour nous écouter en direct, je voulais dire, tu vois, le côté interplanétaire, tu vois, qu'on traverse un peu, justement, les ondes et qu'on se retrouve écouter je ne sais pas où par le biais d'Internet, mon cher Laurent. C'est d'ailleurs le cas de Radio Tchango. Ouais, Radio Tchango aussi, justement. Donc, c'est www.contrabanda.org. Voilà, on termine en espagnol, .org. Avec Antonio qui est là, avec ses... ouais, non, ils sont toujours là, non, franchement, ils écoutent patiemment. C'est vrai que ce soir, c'est tranquille, quoi. On va continuer sur un petit scud. Moi, je proposais qu'on fasse une petite pause avec Roy Pacci. Mais avant, évidemment, vous savez comment ça se passe. Ça va être le rituel maintenant dans cette émission, que ça soit avant d'enchaîner un autre sujet ou que ça soit tout simplement de passer une zik ou de recevoir un groupe ou de commencer cette émission, tel a été le cas tout à l'heure. Eh ben, jingle, s'il vous plaît. Radio Contrabanda! Ambiente loca! Radio Contrabanda! Es como alegría! Radio Contrabanda! Segura una fiesta! Radio Contrabanda! Cuida! Venga! We'll be right back. Jingle. Radio Contrabanda. Cada lunes y solo una vez. Radio Contrabanda. Mariachi Production, cuidado, atención. Radio Contrabanda. Del Plaza del Trip y hasta la afuera de París. Radio Contrabanda. Venga, somos aquí. On va faire ça maintenant à chaque pause. C'est un kiff, hein. C'est un live. J'aime bien quand tu changes de voix là. On a live. Quand tu passes du côté chanteur, tu vois, ouais, à parler normalement à la radio. J'ai bien aimé la transition. T'as vu ça un peu, peu voyant. Eh ouais, professionnel jusqu'au bout. On y va. On avait parlé avec toi la semaine dernière, Philou, de ce qui se passait en France, et tu nous avais dit que t'avais une petite chanson qui était écrite. On en avait entendu un petit extrait. Alors on va la refaire. Cette fois-ci, ça s'adresse à nos amis politiques. Ouais, disons que ça parle un peu de tous ces jeunes qui a dans la rue, quoi, qui aujourd'hui se cherchent un peu, voilà, et qui ont pas mal de soucis avec la police ou avec les lois, quoi. Alors voilà. Alors j'ai pas de jingle à te proposer parce que normalement c'est toi qui l'ai bon. Fait, mais cette fois-ci on t'enchaîne. Un alors, peu d'actualité. On y va, Philo, en musique. L'hexagone est plein de gavroches, de jeunes zonants dans les quartiers. Ce que certains nomment sales gosses, qui manquent la rue pour exister. Ils sont pas plus méchants que d'autres, non, ils cherchent juste à se trouver. Certains d'entre eux sont des artistes, ils manquent la rue pour subsister. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toute la France ressemble à Paris. Même le sud devient gris, c'est la faute à Sarkozy. Alors, pam pam et panodé, yum pam pam. Na na na no na no na na no no pompa no ne yo ne no ne ya na na na no na no na no no. D'autres encore s'inventent des rondes, fait d'humanistes sans frontières. Et bien souvent ils vagabondent à certaines banques sur la terre. Ils sont bien plus heureux que ces autres qui vivent sans curiosité, sans partager les bonnes ondes qui n'ont que la rue pour exister. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toute la France ressemble à Paris. Même le sud devient gris, c'est la faute à Sarkozy. Alors, pam pam pam no ne yo de la. Papa et papa no na e na no no e. Na na e ne no ne yo ne la. Na na na no na no na no. La viticulture, c'est pas mieux, le CPE, un plan foireux. Les intermittents en galère, le patronat, ça l'indiffère. Les étudiants, c'est pas mieux, le CPE, trop trop foireux. La viticulture, trop jour galère, encore les mêmes, ça indiffère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La France ressemble à Paris. Même le sud devient gris, c'est la faute à Sarkozy. Alors, pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Quand le pouvoir va à l'argent, il nous reste que les centimes. Quand les gens ne sont pas vivants, la culture fait mauvaise mine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le ciel, oui, s'assombrit. Trop peu de gens sont vivants, c'est la faute au mauvais temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le tout en à Paris. Même le sud devient gris. C'est la faute à Sarkozy. C'est la faute à Sarkozy. C'est la faute à Sarkozy. Monde de merde. Monde de merde. Monde de merde. Jingle. Radio Contrabanda! Yo, esto! Radio Contrabanda! Estamos ya! Radio Contrabanda! Poi, poi! Radio Contrabanda! Venga! Venga, vamos! Gracias por la música. Está bien, hein? Me gusta mucho eso, hein? C'est la prochaine fois, tu reviens avec ta guitare et tout, tu nous refais exactement les mêmes choses. Dis-moi, je voulais vous revenir sur un petit truc parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière. Brièvement, mais toi tu vas nous donner plus d'infos puisque ça fait quand même plus longtemps que nous deux que tu squattes ici les caliers catalanes et notamment barcelonaises. Et tu dois forcément avoir beaucoup plus d'infos sur cette petite fête, en tout cas qui devient de plus en plus importante, c'est celle de Valence. Tu connais la fête de Valence ou pas? Les Fayas, c'est cool, hein. Ouais, j'aurais bien aimé y aller, hein, encore une fois, ce week-end. Je pouvais pas parce que travail oblige. Mais j'y serais bien allé, hein. C'est quand même un gros stuff dont on parle beaucoup ici en Catalogne. C'est assez intéressant, hein. Moi, je vais t'en parler un peu avec vite fait avec mon expérience. Pourquoi tu l'as fait déjà? Ouais, j'étais allé il y a 2 ans vite fait en speed. Et si tu veux, c'est tellement délire qu'ils font cramer des méga grands, comment dire. En fait, ils représentent des monuments, si tu veux, des monuments satiriques. Voilà. Et ils les réalisent avec des matériaux genre combustible, genre bois, carton, etc., etc. Et ils les brûlent. Ils les brûlent. Et t'as les pompiers qui sont avec leurs lances en train d'arroser les murs des bâtiments à côté. C'est énorme. Il y a des pétards partout. C'est un truc de barjo, quoi. Mais c'est quoi, c'est à voir, hein. D'accord. Et bon, moi, j'ai vite fait essayer de capter l'historique de la teuf parce qu'il y en a, il y a tellement de fêtes ici, que ça soit, ici en Catalogne, les fêtes catalanes et les fêtes basques et les fêtes andalous et les fêtes de Madrid et d'Espagne en général, que j'aime bien savoir ce qui se passe et pourquoi on fait la teuf, quel est l'intérêt du truc. Comme exactement ce qui s'est passé vendredi soir ici à Barcelone avec la Botellium. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il y a quelques années, les anciens menuisiers, après l'hiver, choper, dégager tout leur vieux bois pourri et les cramer dans la rue. Et au fur et à mesure des années, ils ont été de moins en moins nombreux, si tu veux, à faire ça. Donc les habitants se sont dit, attends, nous on va faire la même chose, on va sortir les vieux cartons et les trucs tout dégueulasses et on va les cramer et on va faire la teuf. Et maintenant, ça va devenir un truc rituel le 19 mars en Catalogne ou alors essentiellement à Valence. Je crois que c'est à Valence, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a maintenant les fayas, donc ce qu'on appelle des fayas, donc tout ce truc combustible qui pète et qui crame, dans l'esprit, si tu veux, de retracer un petit peu les anciennes coutumes et de l'époque. Voilà, et je trouve ça plutôt pas mal, mais j'ai jamais fait. Franchement, hein, ça crame à tous les 100 mètres, t'as un grand monument comme ça, là, en bois, là, qui crame. C'est de la folie, hein. Ça picole pas mal aussi, hein. Enfin, c'est un peu le délire à l'espagnol, hein. C'est derrière les grands trucs, les fayas, hein, comme tellement plein de choses en France aussi d'ailleurs, ça bouge aussi. Et alors ça a lieu que le week-end de cette fin mars, c'est pas, je crois qu'il y a un rituel aussi, à partir du moment, c'est-à-dire du 1er mars jusqu'à cette fête, tous les jours, pendant 2 heures, les gens se retrouvent pour aller picoler un verre, pour essayer pour fêter, si tu veux, le 19 mars. Ah, tu veux dire la pré-fiesta qui dure 3 semaines. Ouais, c'est sympa. Moi, c'est ça qui me fait marrer ici en Espagne, c'est ça qui me fait marrer. Les mecs, ils font la teuf, donc pour un rien, faut le dire franchement, hein. Nous, en France, il y a la fête de la musique une fois dans l'année. Et accroche-toi, parce qu'à partir du festival de l'année aussi. Ouais, tout. Quoi. Voilà, le festival, des petits festivals et tout. Et puis bon, maintenant, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de problèmes avec les free parties, les teufs. Puisque les mecs et les organisations essaient de développer au maximum ce genre de fêtes organisées clandestines dans l'espoir de continuer un petit peu le rituel des soirées. Mais c'est vrai que nous, on a quoi? On a le 21 juin où on fait la fête de la musique, mais ça se passe aussi ici, non? En France, non? En Espagne, non? Ça l'était tous les jours avant qu'on en parle toutes les semaines, la loi sur les musiciens dans la rue. C'était la fête de la musique tous les jours. Enfin, il n'y avait pas d'autres mots, c'est ça, hein. Et forcément, il y a quoi d'autre? Tous les jours ça bouge, Lorenzo. Je t'apprends rien. Hein. Sinon, on a le 14 juillet quand même. Ouais, il y a le 14 juillet. Tu vois, le feu d'artifice. Et les majorettes, exact. Bon. Exact. Ouais, on va arrêter là parce que il se passe des choses quand même. Hein, bien sûr. Mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a les pas, salles ont des problèmes on aussi. On n'a pas autant de traditions comme ça qui sont fêtées, peut-être en Alsace ou peut-être en Bretagne. Moi, je connais pas la Bretagne. Il y a la fête de la moule, la fête du maquereau, il y a la coquille Saint-Jacques. Il y a les fêtes de tout ce que tu veux, les fesnos. On a la fête du navet. Ils se font pas de notre gueule. Hein. Franchement, non, c'est bien. J'aime beaucoup. Ciao, amigo. Antonio. Dice algo. Otros 5 años más para Radio Chango. Cinco y que no pare. Espero que estábamos aquí. Claro, Antonio. Ciao, Antonio. C'est vrai qu'il faut le dire que c'est les 15 ans de Contrabanda, la 15e année. On a pu avoir des problèmes avec l'antenne qui s'est vautrée il y a deux semaines. Ouais. Mais c'est reparti de plus belle. Tu vois, est-il que la radio vit encore? La preuve, c'est qu'on est là et que les micros fonctionnent. Et puis j'espère que. Il y a une nouvelle antenne. Il y a une nouvelle antenne. Ça, c'est une actualité. Attention, il faut le souligner. Les gens ici sont mobilisés. Il y a une teuf de soutien. D'ailleurs, on avait programmé les Batuki Rosa Kaye qui étaient venus nous voir la semaine d'avant. C'était bien sympa et donc forcément bon, c'est radio associative, tout le monde met la main dans sa poche pour sortir des thunes et ça repart, internet fonctionne, tout ça, enfin on espère qu'on nous écoute tout simplement. Et tu sais que tu parlais des Batuki Rosa de la Calier, je pense que tu vas avoir des infos au concert à nous annoncer parce qu'ils vont jouer régulièrement maintenant, c'est tout au long de la semaine, que ce soit la semaine comme le week-end. Et ils sont passés la semaine dernière, alors très rapidement, je sais pas si pour la quasi-majorité qui nous écoute en ce moment était scotchés derrière leur poste de radio la semaine dernière, ils sont passés très brièvement en fin d'émission, on nous interprétait un petit peu de son avec cette magnifique voix féminine. T'es tombé sous le charme, Laurent. Je suis pas le seul à être tombé sous le charme. Écoute, le direct, c'est des émotions. Ouais, et puis alors c'est vrai que nous on a l'image avec, hein, puisqu'on l'a en face de nous. Mais je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ont écouté la radio aussi la semaine dernière et qui m'ont dit que même si le physique n'était pas là, puisqu'ils ont que la voix, et ben franchement le message passait plutôt pas mal et je crois qu'ils se sont tous imaginés cette femme qui chantait. La sensualité, Laurent, c'est comme toi, c'est bien. Ouais, c'est comme moi. Pourquoi j'ai un petit scoop sur les Batuqueros, c'est qu'en fait ils sont allés jouer devant la Bocelli dans la semaine. Exact. Et il y a eu un problème, ils étaient filmés par des gens en fait pour gens qui faisaient tout un film sur les musiciens de la rue qui les avaient déjà filmés avant, précédemment. Ouais. Et en fait la police est arrivée comme d'habitude. Ah, mais justement, très bien pour le reportage. Alors, je tenais quand même à donner le petit clin d'œil. Bon, voilà. Mais ils ont eu des problèmes parce qu'on en a parlé avec eux. Non, il n'y a pas eu de problème, mais il a fallu arrêter de jouer. Voilà. Mais, le problème récurrent ici pour les musicos de la rue. Ouais. Bah écoute, Lorenzo, juste avant d'aller chercher nos amis de Radio Chango, bah petite info, effectivement, les Batuqueros, c'est chaque jeudi au Corto Club, quoi. Exact. Donc à pas manquer, jeudi prochain. Voilà. C'est Calietaliers. Super son au Corto Club. Ah, la super salle est... son. La salle est nickel. Excellente et le son est excellent. Lieu à voir. Et, ouais, vraiment, et puis groupe à regarder aussi, à écouter. Les Batuqueros, un concert excellent. Bon, écoutez, petit rituel, je m'absente 5 minutes pour aller à la fontaine. Nous, comme on va profiter pour t'écouter, ça serait peut-être pas mal si tu pouvais nous faire un petit truc là. Allez, ukulélé dans les mains, c'est la panique. Tout se casse la gueule, c'est pas grave. Sylvain, on t'attend dans un petit instant. Radio Chango qui sera avec nous dans les studios et qui vont nous parler un petit peu pendant une petite heure de l'histoire de ce site et le pourquoi du comment. Oui, je te donne les clés. Ça, c'est les clés que tu veux. C'est ça, avec tes signes. Regarde, on est à l'antenne et tout le monde écoute ce qui se passe. C'est pas grave. On y va, Philou, hein, si t'es parti. J'avais écrit un petit morceau sur les gens qui jouent dans la rue. Écoute, tu rebondis sur l'info en musique. Voilà. Y a que ça devrait. On y va, c'est parti. Quand tu veux. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs, dames. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs, dames, je t'invite, danse avec ton cœur, aujourd'hui sans façon, au pays des couleurs. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs, dames, oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs, dames, aujourd'hui je suis décidé, à chanter dans la rue pour gagner de quoi vivre, car je n'en peux plus. C'est interdit, je le sais, clandestin je connais. Je ne veux pas me cacher et je ne sais pas mendier. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs dames. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs dames. Venez donc les amis, solidarité, on est bien nombreux, prohibido est la calle, unissons-nous les amis, solidarité, car la place au soleil nous est bien méritée. braves gens, à votre bon cœur, messieurs, dames. Pourquoi pas aujourd'hui, ici tous réunis, au pays des merveilles qui nous ensorcellent. Pourquoi pas aujourd'hui, ici tous réunis, au pays des merveilles, là où il y a le soleil. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs dames. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs dames. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs dames. Oyez, oyez, braves gens, à votre bon cœur, messieurs Le titre s'appelle Wasp, extrait du dernier album des Gadjo. Ça se passe sur Radio Contrabanda, il est 22h10. Jingle. Radio Contrabanda! Presente! Radio Contrabanda! Caras lunes, solo una vez. Radio Contrabanda! Del Mariachi Production, cuidado, attention. Radio Contrabanda! Del Plaza del Tripi hasta la afuera de Paris. Radio Contrabanda! Con Radio Chango Sistema! Sistema! Radio Chango está aquí, ahora. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Tu vois, on n'a pas les jingles parce que techniquement, on n'est pas suffisamment formé pour pouvoir le faire. Donc, on s'est dit qu'on pouvait le faire vraiment le mieux possible avec lui, avec en sa direct. Guitare, Philippe, que tu connais certainement, t'as dû forcément croiser. Comment Mariachi, tu vas? Comme d'habitude, non? Mariachi, ouais, Mariachi Production, hein, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des visages qui, on reconnaît des gens ici, des individus, on a des gens qui se croisent, on se croise régulièrement, c'est vrai. Ça fait Barcelone plaisir. Est un petit village quand même, hein, mine de rien. Hein. C'est pas toi qui nous dirais le contraire. C'est hein. clair, et puis il y a un paquet de Français. Hein. Il y a beaucoup de Français. L'émission s'appelle Los Gabachos. Voilà. Donc évidemment une petite ironie à tous les Français qui nous écoutent et, par le biais du net. On cessera de le rappeler hein, puisque peut-être que ça peut poser un certain nombre de problèmes derrière les postes de radio sur la fréquence du 91.4. C'est là-dessus que vous pouvez nous écouter toute la semaine et essentiellement le lundi à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h pour votre programme français Gabachos Banda. Ça nous fait plaisir. Alors t'es venu tout seul par contre, t'arrives tout seul. Est-ce que il y a un tiers de Radio Tchango qui est là aujourd'hui. Un tiers. D'accord, mais c'est déjà pas mal un tiers. Ouais, en fait, on est trois, mais il y en a un qui est en Colombie et un autre qui a pas pu venir qui s'excuse ce soir en fait, qui avait un copain qui est venu un peu à l'improviste du Pays Basque et qui il était chargé un peu de lui faire sa soirée quoi. Donc il a pas pu passer. Il aurait pu passer avec lui hein. Bah, ouais, Vicenzo, dommage. Vicenzo italo français espagnol. Et est-ce que ton pote dont tu parles qui est en Colombie s'appelle DJ Ngo? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. D'accord, ouais. C'est lui qui diffuse Radio Tchango sur dans les montagnes. Exactement, en ouais. Colombie. Mais en Colombie, il a un projet en fait avec une radio locale quoi. En fait, ouais. Il est en train d'organiser. Essayer d'organiser d'ailleurs un projet de radio entre les villages indigènes de la Colombie. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Et un peu plus largement, il aimerait bien commencer à monter ça entre différents pays, quoi. Mais et je crois qu'ils peuvent l'écouter jusqu'en Équateur, non? C'est ça? Ouais, et puis en plus, on va essayer de le monter pour l'écouter sur Internet en direct régulièrement. D'accord. Quoi. 92.2, je crois que c'est la fréquence. Ouais, c'est ça, c'est la cordillère du sud de Colombie. Alors, ce qui est marrant, Lorenzo, elle est de Lorenzo, parce qu'il y a deux Laurence dans les plateaux. Lui, ça sera l'espagnol, ouais. Non, l'espagnol, et puis à moi, la française, alors ouais. Tu peux m'appeler Laurent. On va faire ça comme ça. On fait comme ça. Llorente, moi. Alors, ça, c'est marrant, parce que les individus qui habitent là-bas, et donc, c'est la radio de los Guambianos. Gambianos, ah ouais. C'est pas mal, tu vois, un peu le délire Garbachos, Gambianos, ça paraît bizarre, tout ça, mais... Rien à voir avec la Gambie, hein, on est en Gambie. non, d'accord, c'est bizarre, ouais. Donc ils émettent, eux, de 10h à midi, c'est ça, chaque jour, voilà, c'est un programme Radio Tchango à l'étranger. Mais ouais. C'est surtout que la station, elle est diffusée à 2600 mètres d'altitude, non, c'est pas ouais, ça. Ouais, c'est vraiment un super délire, quoi, ça fait 6 mois maintenant qu'il est en Amérique du Sud, il est parti en Colombie, en fait, dans un voyage avec une anthropologue pour un peu récupérer ses racines, lui, il est péruvien. Et il a rencontré ce village, il est vraiment tombé amoureux. Et puis il y avait un petit projet de radio locale qui lui a donné un petit créneau. Et voilà, quoi, c'est comme ça s'est passé. Oui, parce qu'en plus, il a un programme à lui de 18h à 20h, un truc comme ça, en fin d'après-midi aussi. Ouais. Il a un programme présent de salsa, musique ouais, traditionnelle. Il a toujours adoré la salsa et puis il essaie de mettre aussi un peu de musique de Barcelone quoi, là-bas. Exact. Et c'est une belle fusion. Quoi. Exact. Et alors, ça fait combien de temps maintenant que tu es ici à Barcelone? Moi, je suis arrivé le 13 décembre 96. 96 ouais. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, ouais, il s'en souvient. Années. Ouais, je m'en souviens bien. C'est marrant parce que toi, t'es arrivé aussi il y a deux ans, mais c'est arrivé au mois de décembre aussi. Ouais, moi, je suis arrivé la veille de Noël. Enfin, bon, je m'en souviens comme ça. Hein. Mais le 13, je sais pas s'il lui a porté chance. En tout cas, faut croire parce que Radio Tchango, ils ont démarré ça. C'est parti tout petit, quoi. Hein. C'est ça. Donc, et on arrive à la cinquième année. C'est l'anniversaire. Ouais. C'est l'anniversaire, alors on va faire une belle fête à l'Ateneo Nubalis ce samedi. Ah ça, on va en parler, parce qu'il y a vraiment du beau monde, justement, au sujet de la fête. Sont confirmés, donc, il y a plein de choses. Il y a Lecce Sudaca, il y a El Capel aussi, le nouveau groupe des ex-Color Humano, c'est bien ça? Oui, exactement. El Capel, il va faire la moitié des chansons Color Humano, l'autre moitié de nouveaux projets. Il y aura Marie Pinto, qui est une super chanteuse que vous connaissez sans doute avec 0801, qui est magnifique, qui sera là aussi. Exact. Et il y a plein de monde, il y a aussi. Et en première partie, il y a Nour, en fait, qui est le nouveau projet de Tchebalowski, de Yacine Tchebalowski. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça va être sa première, en fait, le premier concert qu'il va faire. Ah, ça sera samedi, là. Ouais. Ah, ouais. Et donc, il y a un petit peu de stress entre José, Yacine et tout, mais ça va super bien se passer. En plus, l'Athénéus, c'est une salle super. Ah, ouais, c'est excellent, là. Je pense on espère qu'il y aura du monde, en tout cas, il y aura une belle ambiance. Il y aura aussi Wagner qui nous avait accompagné pour la première, pour le concert qu'on avait fait il y a un an pour la compilation. Et il y aura DJ Chowarma qui est en fait Martine de Schlinguette. D'accord. Voilà, qui fait aussi partie de la famille. Alors, on voulait un peu représenter tout le monde. Mais c'est dur d'avoir tout le monde, donc on a essayé d'avoir les nouveaux, ceux qui présentent un projet. Et puis les Tchés, ce qui est rigolo, c'est qu'en discutant avec Léo, je me suis rendu compte que le jour de la création, ce samedi, lui va fêter ses 5 ans en Espagne. Eh, mais toi, t'es 10 ans aussi en même temps. Toi, c'était 10 ans, c'est l'année de tes 10 ans ici, non? Ouais, 96, quasi, ouais. Le 13 décembre, tu fêteras tes 10 ans ici à Barcelone. Et j'étais venu en étudiant, moi, à l'époque, en Erasmus, même avant, j'étais venu en 94. Et t'as jamais décollé. Je suis parti à Madrid, je suis revenu en France, et puis j'ai trouvé le moyen de bosser à Barcelone, et je suis revenu. L'auberge espagnole, quoi. Ouais, mais à l'époque où peut-être Barcelone était encore beaucoup plus bruyante qu'elle est aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé des projets de loi qui sont votés, puis aussi du côté alternatif qui a tendance à s'échapper un peu d'ici. Ça a vachement changé. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on serait capable de refaire une génération comme ils ont eu avec Macaco, Douce Minguette, Ojos de Brujo, etc. Et ça, c'est à l'époque quoi? C'est 80, 96, 2000 à peu près? Oui, c'est ça, 96, 97, quand ce groupe a commencé. Il y avait aussi El Capel, José, qui était là. Il y a Mucho qui est arrivé. C'était la grande époque du club Mestizo avec Javi. Exact. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance où tu pouvais te permettre des trucs. Les gens pouvaient jouer dans la rue, il n'y avait pas trop de soucis. Ouais, et là, aujourd'hui, c'est vrai que ça commence un peu à se casser. Alors peut-être qu'on a été mal habitués, mais bon, en même temps, ouais, pour enfin, le futur... C'est une mauvaise habitude à prendre, moi, je pense. Hein. C'est une mauvaise habitude à prendre. Je pense que c'est des trucs qui devraient... je sais que ça fout énormément de bordel. On reçoit un nombre... Enfin, les musicos qui viennent ici jouer le lundi, qui sont aussi bien espagnols que français, nous disent tous la même chose. C'est qu'effectivement, ils sont venus ici à Barcelone dans l'espoir de pouvoir s'épanouir musicalement. Et essayer de artistiquement se développer, et que les polices sont de plus en plus présentes dans les rues, et c'est la cible, les musicos deviennent vraiment une cible où maintenant c'est terminé, il faut une carte pour jouer, ils prennent les instrus, voilà, pour récupérer ton instru c'est 4 fois plus cher que l'instru en lui-même, enfin tu vois, c'est des trucs qui... Ben, El Capel par exemple, pour la petite histoire, on lui a piqué 5 guitares quand même avant qu'il décide de c'est bon là, ça va aller, là, 5 fois j'arrête plus là, cher c'est vrai, de c'est jouer clair. Dans la rue. Parce qu'il a ramasse. Continué après Color Humano de jouer dans la rue apparemment, ouais, il jouait régulièrement. De 2000 à, ouais, à maintenant là, en fait, quand il a arrêté Color Humano, c'est vrai qu'il a eu 2 ans où il a repris une vie familiale, il s'est un peu installé. Et ça faisait 3 ans qu'il jouait pas mal. Moi, je l'ai vu beaucoup de fois dans le quartier. J'ai vu pas mal aussi en haut, là, sur Gracia. Mais c'est vrai que c'est décevant. Nous, on a eu un groupe aussi qui était passé il y a un an, qui s'appelle La Chango Family, qui est du Canada. Ouais, les mecs, ils se sont fait tout piquer. Il y avait un concert le lendemain à Paris, super important. Et voilà. Ils n'avaient plus rien d'instrument. Tout avait été piqué sur la plage par les flics. Et ils ont mis, enfin on a mis, parce qu'on a récupéré pour les guitares, on a mis 2 mois à la récupérer. Putain, c'est fou. C'est un truc de ouf. Et alors tu fais, mais ouais, et c'est quoi le truc? C'est qu'il y avait des instrus qui étaient là sur la plage. Et, ben en fait, l'histoire c'est qu'ils ont commencé par jouer au mariachi. Au mariachi, à partir de 22-23 heures, bon, ils avaient des vents et tout, bon, ils ont commencé les voisins à se plaindre, les flics sont passés, c'était la première amende du mariachi. Et du coup, ils ont filé, on devait aller chez Kaiser, là, dans le bar qu'il avait, donc on leur avait promis, donc on a fait un tout petit concert, pareil, les flics sont arrivés. On s'est dit, bon, où on va, quoi? Mais il était minuit, hein, 11h30, minuit, en plein été, hein, en mois d'août. Ouais. Donc on est allé sur la plage, on s'est dit, là, au moins, on va emmerder personne. Au bout de 2 chansons, il y avait les flics, et allez, ça va vite après. Ouais, vous en poursuivi, quoi, un truc de fou, quoi. Il y en a qui sont partis avec leur guitare, d'ailleurs. En courant, tu sais. Et toi, tu disais que, t'as débarqué ici 96 dans l'espoir de bosser, tu disais que t'avais eu un plan pour bosser ici, c'est parce que tu bossais déjà en musique avant. Ah non, et nous, Radio Chango, moi j'ai un boulot qui a rien à voir en fait avec Radio Chango, et nous on est vraiment tous des bénévoles, on fait tout ça dans nos heures extra. D'accord. Et non, en fait, j'avais commencé à l'époque, j'étais l'époque où le service militaire était obligatoire en France. Ah ouais, d'accord. Et j'ai commencé en faisant ma coopération dans l'entreprise, et je travaillais pour une boîte, une entité semi-publique en fait, qui travaillait pour la région Rhône-Alpes, et qui aide les petites entreprises à s'implanter. C'était ma... D'accord, et toi, t'es originaire de là-bas, de Rhône-Alpes? Non, en fait, même pas, je suis de Perpignan, ouais. Ah, t'es Perpignan, d'accord. J'avais pas beaucoup de trajets et de chemin à faire pour aller... T'es un petit peu catalan, alors, déjà. Ouais, je suis catalan, allez l'USAP, j'adore le rugby, et ouais, non, c'était pas très loin, mais c'est marrant parce que pour mes parents, c'est quand même l'étranger, tu vois, ils traversent la frontière, même si c'est la même monnaie maintenant et qu'ils parlent à peu près espagnol. Ils sont beaucoup plus à l'aise d'aller à Paris ou je sais pas où en France qu'aller à Barcelone. Moi j'étais super surpris de Perpignan. J'ai halluciné comme, enfin, il y avait quand même des gens qui continuent à parler. Enfin, la vieille génération qui peut tchatcher des trucs. Tu comprends rien, c'est du catalan. Bah, c'est l'ex-capitale, apparemment, une époque. Le royaume des Rois de Majorque, ça fait. Ouais, c'était dans les années 1200. Ouais, voilà, c'est ça. C'était la capitale, ouais, du Catalan. Un petit rappel historique. C'est pour la culture générale de chacun de nous qui nous écoute derrière. Pour nos amis français, même pour nous, ça nous fait bien. C'est vrai. On est d'accord. Le grand royaume, ouais, de Majorque. Et alors le concept même du site de Radio Chango, c'est quoi? Ouais, Radio Chango au départ, bah, c'était d'abord un site de fans de musique métisse, parce qu'à l'époque, même si maintenant l'étiquette elle plaît pas, quoi, c'était ça. Donc c'était la musique comment qui ça se faisait. Ouais, non, il y a pas mal de gens qui essaient d'enlever cette étiquette. C'est vrai que ça veut un peu tout dire et rien dire. La fusion, le métissage, c'est dans toutes les musiques. Mais la manière festive qu'il faisait cette musique à Barcelone, avec des mélanges de groupes argentins, groupes africains, des musiciens de partout qui se mélangeaient avec la rumba, etc. Ça crée un style musical qui à cette époque-là existait surtout ici, quoi, en fait. Ouais, une certaine fusion, Madrid, en fait. Et d'ailleurs, le son de Barcelone est connu pour ça, quoi. la multiculturalité qui se rencontre, tous les instruments, les styles de personnes, c'est tellement cosmopolite à Barcelone. Et c'est ça, toi, qui t'a intéressé, en fait, alors, pour monter. Bah, il y avait tellement de groupes. Ça c'est ça, au départ, c'était vraiment un groupe de fans. Bah, d'abord, c'est important quand même le rôle de Manu Chao, ou au moins sa personnalité, parce que Vinks, par exemple, avait une page à l'époque qui s'appelait Salga la Luna, ouais, qui était une des pages les mieux, selon Manu même, sur lui, en fait. Hein, et donc à partir de ça, en fait, c'était un site, Macaco, c'est ça. Exactement. L'idée, c'est qu'on avait, l'idée de base, c'était de mettre en commun la partie musicale qui nous plaisait et les textes ou les messages qu'avaient ces groupes, et essayer de faire un lien. Moi, à l'époque, je travaillais pas mal avec des ONG, d'essayer de faire le lien, en fait, entre les textes de ces musiques et l'expérience de terrain que pouvaient avoir des ONG. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a une grande partie de notre page qui s'appelle La Conscience, on l'appelait comme ça. Bon, ouais, j'ai vu, ouais. C'est un peu prétentieux ou pas, je sais pas, mais enfin, c'était le but, c'était de la musique. Il y a une musique consciente ou avec conscience qui parle du monde. Il y en a d'autres qui sont plus pour rire, poésie, etc. Mais nous, le principe, c'était de parler de la musique engagée et de parler d'expérience, parce que souvent, il y a des textes, il y a des choses qui paraissent très belles sur le papier, ou des drapeaux qu'on lève, des étiquettes qu'on se met, des étoiles qu'on se colle au t-shirt. Mais derrière, c'est bien de parler des gens dans le concret qui font des choses bien, même dans leur petite échelle. Donc c'était l'idée d'illustrer un peu les textes des chanteurs, et on a toujours essayé d'avoir des groupes qui faisaient de la musique festive, mais engagés. D'accord, donc il n'y avait, avait pas qu'un intérêt musical, si tu veux. Ah non, non, c'était vraiment de rapprocher deux mondes, à la fois les artistes et d'amener les uns vers les autres. Et même dans les artistes, on a toujours essayé d'avoir des gens qui étaient médiatiquement connus, et d'avoir des groupes qui nous plaisaient aussi, qui étaient moins connus, pour que les gens qui connaissent des groupes importants et qui vont sur la page pour découvrir Dos Minguez, Manu Chao, Macaco, José Brujo, puissent découvrir Che Sudaka il y a 3 ans et demi, il y a 4 ans, puissent découvrir Foo Fouet, puissent découvrir. Moi, je pense que ça leur a servi aussi beaucoup de tremplin pour un certain nombre de groupes ici. Qui et c'est toujours aussi ce qu'on a essayé de faire, quoi. Vraiment essayer de tirer des groupes, de faire connaître des musiques. C'est vrai que c'est assez cruel, la musique, en plus quand on en parle, on peut pas jouer dans la rue, c'est toujours. C'est de plus en plus dur pour des groupes de vivre, quoi, au quotidien. Donc si tu leur donnes pas un petit coup de main, puis c'est normal que les grands frères aident un peu, quoi. Je crois qu'ils sont aussi contents de voir que sur Radio Tchango, il y a c'est pas seulement des fans et des grands groupes, mais il y a d'autres groupes qu'ils ont rencontrés sur la route, qui sont peut-être pas aussi connus, qui font aussi des bonnes choses, des choses. D'accord, donc toi t'as plus un travail de journaliste que de musicien. Ouais. Et en fait, vous mettez, si vous voulez, c'est un magazine musical, quoi, sur Exactement. Internet. Exactement, un magazine avec un forum, avec des interactions entre les groupes, et une partie conscience qui est aussi la... qui est pas seulement passive, c'est-à-dire c'est pas nous qui mettons des textes, c'est les gens qui les lisent, mais ce qu'on veut, c'est que les gens participent. Et on a des collaborateurs dans des pays qui nous envoient des articles comme des reporters, sur la situation locale, etc. On a des ONG qui nous passent leur message ou qui nous passent leur et finalement nous, Radio Tchango, un peu le message qu'on essaye de passer maintenant au bout de 5 ans, là, on pense que la page a commencé à s'asseoir un peu, enfin on est bien, on commence à avoir pas mal de visites par mois. Ouais, et l'idée, c'est de commencer à transmettre la page vers les gens, c'est-à-dire que les gens s'attendent pas à recevoir de l'info, mais puissent se rendre compte qu'ils peuvent être participés, tu vois, ouais, exact, on sait pas comment dire, mais qu'ils puissent participer à la page et être acteurs de la page, et qu'ils puissent même mettre leur texte, même les groupes activer leur agenda, enfin modifier leur bio, c'est vraiment une page à leur service, et pas une page comme un journal où tu lis et tu peux rien y changer, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborateurs d'ailleurs dans votre site. Vous cherchez des traducteurs, par exemple, pour des textes à traduire, puisque le site est en 5 langues, c'est ça. Enfin, on va parler un peu de statistiques, parce que c'est quelque chose d'énorme, Radio Tchango. Hein. Ça a pris sur le côté collaboration et promotionnel, c'est impressionnant. Il faut dire 500 000 pages visitées chaque mois, donc en 5 langues. Il y a plus de 300 groupes où on peut aller voir les pressbooks et compagnie, la radio qui tourne en permanence, des lives inédits mis en ligne. Enfin, il se passe plein de choses, une actualité. Alors, c'est catalan, c'est ça. Catalan, espagnol, italien, français. Et anglais. Et anglais. Ouais. D'accord. Et le catalan, ça fait depuis janvier, en fait. Et c'est marrant parce que c'est une des dernières pages qui est arrivée en. Et elle a beaucoup plus de traductions aujourd'hui que l'anglais, par exemple, ou même l'italien.